Autoroute, le principal facteur de consommation, c'est le type de pneu, réponse A, le poids du véhicule, réponse B, la résistance à l'air, réponse C, les frottements mécaniques, réponse D.